Je suis aigle fou sur ton âme. Je déchire, je joue, je me donne tout. Je suis un retard, une absence. Je me pose, je pars en silence, car je ne sais pas très bien donner, mais il y a toujours à prendre. Méfie-toi des armes cachées que je n'ai pas appris à rendre. Je ne rends pas les armes, même devant les larmes. C'est tous mes remords que tu touches. Dessous tes yeux d'or, tu me couches corps. Je suis un loup blanc, j'ai la frousse. Lorsque tu me prends à rebrousse-temps, je ne sais pas très bien donner, mais il y a toujours à prendre. Méfie-toi des armes cachées que je n'ai pas appris à rendre. Je ne rends pas les armes, même devant les larmes. Je suis un loup blanc, j'ai la frousse. Lorsque tu me prends à rebrousse-temps, je ne sais pas très bien donner, mais il y a toujours à prendre. Méfie-toi des armes cachées que je n'ai pas appris à rendre. Je ne rends pas les armes, même devant les larmes.